Unité 3. Cultivons les arts. Page 43. Document B. La francophonie en fête. Allô, Mariam? C'est Charlotte, ça va? Ah, salut Charlotte! Comment vas-tu? Très bien! Tu es au courant pour le festival de la francophonie? Le programme est enfin sorti! Ah oui, j'ai vu une affiche hier dans la rue. C'est dommage qu'il n'y ait pas de troupe de théâtre cette année. Tu te souviens de la pièce de Molière l'année dernière? J'avais adoré. Du lever de rideau à la fin. C'est vrai. Mais bon, le programme est quand même varié. Il y en a pour tous les goûts. Ça te dirait d'y faire un tour? Volontiers. Qu'est-ce que tu voudrais aller voir? Et surtout, qu'est-ce que tu me conseilles d'aller voir? Ben, surtout le concert de samedi. J'aime beaucoup Ours et Natacha Saint-Pierre. Je l'ai vue sur scène l'été dernier et c'était vraiment bien. Elle avait reçu des tonnerres d'applaudissements. J'avais même pu lui parler grâce à un ami qui s'occupait de l'éclairage du concert. Il m'avait fait visiter les coulisses. C'était génial. Il y a aussi Bassé et Bong. Je ne connais pas, mais je suis curieuse de découvrir. Ah, super! Par contre, j'aimerais aussi aller au concert du vendredi. Je ne sais pas quelles seront les œuvres jouées, mais il y aura deux orchestres philharmoniques. C'est vraiment une occasion en or d'écouter de la grande musique. Ouais, moi c'est pas trop mon style, la musique classique. Tu ferais mieux d'y aller avec quelqu'un qui aime ça. Marthe, peut-être? Ok, j'ai compris. Je vais voir s'il reste des places au premier rang. Ça change tout quand on voit les instruments de près. Et puis, ben nous, on peut se retrouver samedi soir avant les concerts. Super! T'as vu qu'il y a aussi des animations? Les vols de rapaces, ça pourrait t'intéresser, toi qui adores les oiseaux. Pourquoi tu n'emmènes pas tes neveux? Ah oui, ça leur plairait certainement. Pour le concert classique, à ta place, je me dépêcherai. Il paraît que les places se sont vendues très vite l'année dernière. Pourtant, c'est assez cher. Dans un monde idéal, les événements culturels seraient gratuits. Au fait, ça t'ennuierait de t'occuper des places pour nous deux? Je vais être assez occupée ces jours-ci. Pour les concerts de samedi, je veux dire. Pas de problème. Je regarde ça et je te tiens au courant. Et propose à Marthe de venir, au cas où elle serait intéressée par le festival.